mon amour, ma vie de toujours, mon soleil perdu, que sommes-nous devenus? Où est passée la flamme qui animait nos âmes, aux cœurs éperdus? Que sommes-nous devenus? Une vie pavillonnaire, un monde embryonnaire, un cocon déçu. Que sommes-nous devenus? Nos espoirs, nos rêves, non. Plus de refrains, plus de sève, non. Mon cœur, t'en souviens-tu? Que sommes-nous devenus? Oh, mon amour, oh, ma vie de toujours, mon soleil perdu, que sommes-nous devenus? Où est passée la flamme qui animait nos âmes, aux cœurs éperdus? Que sommes-nous devenus?